un idéal pour lui. D'ailleurs, quand j'ai préparé Maigret traversé Paris, quand j'ai travaillé avec les flics du 36 des Orfèvres de cette époque, eh bien, ils me disaient tous, Maigret est toujours là au 36 quai des Orfèvres, mais c'est quelqu'un qui nous attire parce qu'on voudrait atteindre ce qu'il est, son état d'humanité. Mmh. Maigret pas mort, même quand le 36 maintenant a déménagé. La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. Et nous allons continuer de raconter avec vous, Michel Carli, la vie de Simenon. Mais tout de suite, c'est le moment d'En compagnie des revues. Aujourd'hui avec vous, Pierre Croze du réseau social littéraire Babelio.com. Bonjour Pierre. Bonjour Mathieu, bonjour Michel. Vous nous parlez aujourd'hui du salon Livre Paris qui ouvre cette semaine à la Porte de Versailles à Paris. Eh bien oui, la nouvelle édition de livres se déroule cette semaine du 16 au 19 mars exactement, comme depuis quelques années à Porte de Versailles. Une nouvelle édition sous le signe tout de même du changement, puisque le salon propose cette année de nombreux formats un peu différents des années précédentes pour séduire le public. On reproche souvent, c'est vrai, au salon d'être simplement une librairie géante dont l'entrée est payante. Alors cette année, les programmateurs ont réfléchi à de nombreuses rencontres et activités pour rapprocher un peu le salon de ce que l'on peut voir dans des festivals littéraires. Il y aura 8 scènes thématiques en tout, dont une scène jeune adulte, young adult, pour s'adresser aux jeunes lecteurs. On dit young adult, c'est young ça adult. On ne peut pas dire jeunes adultes. On peut dire jeunes adultes aussi. On peut dire les deux, d'accord. On dit les deux. Il y aura donc une scène young adult, jeune adulte, mais aussi une scène polar pour couvrir l'ensemble de la production littéraire. On retrouvera aussi des lectures à voix haute ou encore la reconstitution d'une scène de crime. Alors les organisateurs parlent d'un véritable projet artistique. Je rassure ceux qui viennent tout de même pour leur dédicace. Il y a 3000 auteurs seront présents et vous attendent pour presque quasiment autant de séances de dédicace. On espère qu'il y aura une scène de crime issue de Simenon. Alors ce qu'il y a, c'est que c'est évidemment une édition consacrée aux écrivains russes, donc on en attend beaucoup, Pierre. Oui, 38 auteurs russes seront présents, car vous le savez, donc c'est la Russie qui est le pays invité d'honneur. L'occasion peut-être de parler de la Russie autrement qu'à travers le prisme politique, encore que ce sera compliqué. Parce que les élections présidentielles en Russie ont lieu le 18 mars en plein salon. Bon, c'est évidemment la littérature qui sera mise à l'honneur à travers donc 38 auteurs censés refléter la production littéraire russe contemporaine. On retrouvera, selon les organisateurs, des auteurs reconnus internationalement, mais également des nouveaux talents émergents et prometteurs, certains qui n'ont d'ailleurs pas encore été traduits en français. Vous pouvez consulter la liste exhaustive des auteurs invités sur le site du salon ou sur Babelio. Alors je parie, je pense que je ne me trompe pas, que la littérature russe contemporaine, elle est présente sur Babelio. Est-ce bien le cas, Pierre ? Alors elle est présente, certainement pas autant qu'elle le mérite. Si on cherche littérature russe sur Babelio, on tombe d'abord sur les classiques. Mais les auteurs russes sont tout de même très présents, les auteurs contemporains, et très appréciés sur le site, à l'image de Ludmila Ulitskaya, dont l'œuvre est très très appréciée des membres de Babelio. Alors on a demandé à une lectrice de Babelio, qui est fan de littérature russe, on lui a demandé ce qu'elle appréciait dans cette littérature. Donc c'est Nastasia B., qui nous a dit « Ce que je recherche avec les écrivains russes, c'est une certaine forme, une certaine façon de se donner à fond, qui confine parfois à la folie. C'est une sensibilité, un genre de délicatesse, une espèce de synthèse entre l'esthétique japonaise et l'énergie vitale à la Jack Kerouac, dont ils sont tous plus ou moins animés. » Voilà, vous pouvez retrouver l'entretien de cette lectrice qui nous parle donc de ses lectures et de son amour pour la littérature russe sur Babelio. Bon, et vous y serez alors au Salon du Livre ? Alors, on sera présent pour animer quelques rencontres, mais surtout, les lecteurs de Babelio pourront retrouver, comme chaque année, leurs critiques sur les stands des éditeurs. En partenariat avec une centaine d'éditeurs, on va installer des petits cartons orange qui reprennent des extraits de critiques de lecteurs. Il y a presque 600 extraits à découvrir sur le salon. Alors, si vous tombez sur votre critique ou si vous tombez sur une critique qui vous plaît pendant le salon, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux, Twitter ou Facebook. Cela fera plaisir autant à l'auteur du livre qu'au lecteur qui l'a chroniqué. Ben, nous n'y manquerons pas. Merci Pierre et à bientôt donc au Salon du Livre où nous nous trouverons également pour enregistrer une série d'émissions consacrées à Tolstoï que nous diffuserons sur l'antenne dès la semaine prochaine.